Chapitre 9. Application des principes établis dans les chapitres précédents. Caractère de Satan. Des préceptes, passons aux exemples. En reprenant ce que nous avons dit dans les précédents chapitres, nous commencerons par le caractère attribué au mauvais ange, et nous citerons le Satan de Milton. Avant le poète anglais, le Dante et le Tasse avaient peint le monarque de l'enfer. L'imagination du Dante, épuisée par 9 cercles de torture, n'a fait de Satan, enclavé au centre de la terre, qu'un monstre odieux. Le Tasse, en lui donnant des cornes, l'a presque rendu ridicule. Entraîné par ses autorités, Milton a eu un moment le mauvais goût de mesurer son Satan, mais il se relève bientôt d'une manière sublime. Écoutez le prince des ténèbres s'écrier du haut de la montagne de feu d'où il contemple pour la première fois son empire. « Adieu, champ fortuné, qu'habitent les joies éternelles, horreur, je vous salue, monde infernal. Abîme, reçois ton nouveau monarque. Il t'apporte un esprit que ni temps ni lieu ne changeront jamais. Du moins ici nous serons libres, ici nous régnerons. Régnez même aux enfers et digne de mon ambition. » Quelle manière de prendre possession des gouffres de l'enfer ! Le conseil infernal étant assemblé, le poète représente Satan au milieu de son sénat. Ses formes conservaient une partie de leur primitive splendeur. Ce n'était rien moins encore qu'un archange tombé, une gloire un peu obscurcie, comme lorsque le soleil levant, dépouillé de ses rayons, jette un regard horizontal à travers les brouillards du matin, ou tel que, dans une éclipse, cet astre, caché derrière la lune, répand sur une moitié des peuples un crépuscule funeste et tourmente les rois par la frayeur des révolutions. Ainsi paraissait l'archange obscurci, mais encore brillant, au-dessus des compagnons de sa chute. Toutefois, son visage était labouré par les cicatrices de la foudre, et les chagrins veillaient sur ses joues décolorées. Achevons de connaître le caractère de Satan. Échappé de l'enfer et parvenu sur la terre, il est saisi de désespoir en contemplant les merveilles de l'univers. Il apostrophe le soleil. « Ô toi qui, couronné d'une gloire immense, laisse du haut de ta domination solitaire tomber tes regards comme le dieu de ce nouvel univers. Toi devant qui les étoiles cachent leur tête humiliée. J'élève une voix vers toi, mais non pas une voix amie. Je ne prononce ton nom, ô soleil, que pour te dire combien je hais tes rayons. Ah, ils me rappellent de quelle hauteur je suis tombé, et combien jadis je brillais glorieux au-dessus de ta sphère. L'orgueil et l'ambition m'ont précipité. J'osais, dans le ciel même, déclarer la guerre au roi du ciel. Il ne méritait pas un pareil retour, lui qui m'avait fait ce que j'étais dans un rang éminent. Élevé si haut, je dédaignais d'obéir. Je crus qu'un pas de plus me porterait au rang suprême et me déchargerait en un moment de la dette immense d'une reconnaissance éternelle. Oh ! Pourquoi sa volonté toute-puissante ne me créa-t-elle pas au rang de quelque ange inférieur ? Je serais encore heureux, mon ambition n'eût point été nourrie par une espérance illimitée. Misérable ! Où fuir une colère infinie ? Un désespoir infini ? L'enfer est partout où je suis. Moi-même, je suis l'enfer. Ô Dieu, ralentis tes coups. N'est-il aucune voie laissée au repentir, aucune à la miséricorde, hors l'obéissance ? L'obéissance, l'orgueil me défend ce mot. Quelle honte pour moi devant les esprits de l'abîme ! Ce n'était pas par des promesses de soumission que je les séduisis, lorsque j'osais me vanter de subjuguer le Tout-Puissant. Oh ! Tandis qu'ils m'adorent sur le trône des enfers, ils savent peu combien je paye cher ces paroles superbes, combien je gémis intérieurement sous le fardeau de mes douleurs. Mais si je me repentais, si, par un acte de la grâce divine, je remontais à ma première place, un rang élevé rappellerait bientôt des pensées ambitieuses. Les serments d'une feinte soumission seraient bientôt démentis. Le tyran le sait. Il est aussi loin de m'accorder la paix que je suis loin de demander grâce. Adieu donc, espérance. et avec toi, adieu, crainte et remords. Tout est perdu pour moi. Mal, sois mon unique bien. Par toi, du moins, avec le roi du ciel, je partagerai l'empire. Peut-être même régnerai-je sur plus d'une moitié de l'univers, comme l'homme et ce monde nouveau l'apprendront en peu de temps. Quelle que soit notre admiration pour Homère, nous sommes obligés de convenir qu'il n'a rien de comparable à ce passage de Milton. Lorsque, avec la grandeur du sujet, la beauté de la poésie, l'élévation naturelle des personnages, on montre une connaissance aussi profonde des passions, il ne faut rien demander de plus au génie. Satan se repentant à la vue de la lumière qu'il est, parce qu'elle lui rappelle combien il fut élevé au-dessus d'elle, souhaitant ensuite d'avoir été créé dans un rang inférieur, puis s'endurcissant dans le crime par orgueil, par honte, par méfiance même de son caractère ambitieux. Enfin, pour tout fruit de ses réflexions et comme pour expier un moment de remords, se chargeant de l'empire du mal pendant toute une éternité. Voilà, certes, si nous ne nous trompons, une des conceptions les plus sublimes et les plus pathétiques qui soit jamais sortie du cerveau d'un poète. Nous sommes frappés dans ce moment d'une idée que nous ne pouvons taire. Quiconque a quelque critique et un bon sens pour l'histoire pourra reconnaître que Milton a fait entrer dans le caractère de son Satan les perversités de ces hommes qui, vers le commencement du XVIIe siècle, couvrirent l'Angleterre de deuil. On y sent la même obstination, le même enthousiasme, le même orgueil, le même esprit de rébellion et d'indépendance. On retrouve dans le monarque infernal ces fameux niveleurs qui, se séparant de la religion de leur pays, avaient secoué le joug de tout gouvernement légitime et s'étaient révoltés à la fois contre Dieu et contre les hommes. Milton lui-même avait partagé cet esprit de perdition. Et pour imaginer un Satan aussi détestable, il fallait que le poète en eût vu l'image dans ces réprouvés, qui firent si longtemps de leur patrie le vrai séjour des démons. Chapitre 10. Machine poétique. Vénus dans les bois de Carthage. Raphaël au berceau d'Éden. Venons aux exemples des machines poétiques. Vénus, se montrant à Énée dans les bois de Carthage, est un morceau achevé dans le genre gracieux, cui mater media, etc. À travers la forêt, sa mère, suivant le même sentier, s'avance au-devant de lui. Elle avait l'air et le visage d'une vierge, et elle était armée à la manière des filles de Sparte, etc. Cette poésie est délicieuse, mais le chantre d'Éden en a beaucoup approché lorsqu'il a peint l'arrivée de l'ange Raphaël au bocage de nos premiers pères. Pour ombrager ses formes divines, le séraphin porte 6 ailes. 2, attachées à ses épaules, sont ramenées sur son sein, comme les pans d'un manteau royal. Celles du milieu se roulent autour de lui comme une écharpe étoilée. Les 2 dernières, teintes d'azur, battent à ses talons rapides. Il secoue ses plumes qui répandent des odeurs célestes. Il s'avance dans le jardin du bonheur au travers des bocages de myrte et des nuages de nard et d'encens, solitude de parfums où la nature, dans sa jeunesse, se livre à tous ses caprices. Adam, assis à la porte de son berceau, aperçut le divin messager. Aussitôt, il s'écrie « Ève, accours, viens voir ce qui est digne de ton admiration. Regarde vers l'Orient, parmi ces arbres. Aperçois-tu cette forme glorieuse qui semble se diriger vers notre berceau? On la prendrait pour une autre aurore qui se lève au milieu du jour. » Ici, Milton, presque aussi gracieux que Virgile, l'emporte sur lui par la sainteté et la grandeur. Raphaël est plus beau que Vénus, Éden plus enchanté que les bois de Carthage, et Énée est un froid et triste personnage auprès du majestueux Adam. Voici un ange mystique de Klopstock. Dan Eilert, Der Thronen. Soudain, le premier-né des trônes descend vers Gabriel pour le conduire vers le Très-Haut. L'Éternel le nomme élu, et le ciel, Eloah. plus parfait que tous les êtres créés, il occupe la première place de l'être infini. Une de ses pensées est belle comme l'âme entière de l'homme, lorsque, digne de son immortalité, elle médite profondément. Son regard est plus beau que le matin d'un printemps, plus doux que la clarté des étoiles, lorsque, brillante de jeunesse, elles se balancèrent près du trône céleste, avec tout leur flot de lumière. Dieu le créa le premier. Il puisa dans une gloire céleste son corps aérien. Lorsqu'il naquit, tout un ciel de nuages flottait autour de lui. Dieu lui-même le souleva dans ses bras et lui dit, en le bénissant, « Créature, me voici. » Raphaël est l'ange extérieur, Eloa l'ange intérieur. Les Mercure et les Apollon de la mythologie nous semblent moins divins que ces génies du christianisme. Plusieurs fois les dieux en viennent aux mains dans Homère, mais comme nous l'avons déjà remarqué, on ne trouve rien dans l'Iliade qui soit supérieur au combat que Satan s'apprête à livrer à Michel dans le paradis terrestre, ni à la déroute des légions foudroyées par Emmanuel. Plusieurs fois, les divinités païennes sauvent leurs héros favoris en les couvrant d'une nuée. Mais cette machine a été très heureusement transportée par le Tasse à la poésie chrétienne lorsqu'il introduit Soliman dans Jérusalem. Ce char enveloppé de vapeur, ce voyage invisible d'un enchanteur et d'un héros au travers du camp des chrétiens, cette porte secrète d'Hérode, ces souvenirs des temps antiques jetés au milieu d'une narration rapide, ce guerrier qui assiste à un conseil sans être vu et qui se montre seulement pour déterminer Solyme au combat. Tout ce merveilleux, quoique du genre magique, est d'une excellence singulière. On objectera peut-être que dans les peintures voluptueuses, le paganisme doit au moins avoir la préférence. Et que ferons-nous donc d'Armide ? Dirons-nous quel est son charme, lorsque, penché sur le front de Renaud endormi, le poignard échappe à sa main et que sa haine se change en amour ? Préférerons-nous Ascagne, caché par Vénus dans les bois de Cythère, au jeune héros du Tasse enchaîné avec des fleurs et transporté sur un nuage aux îles fortunées ? Ces jardins, dont le seul défaut est d'être trop enchanté, ces amours qui ne manquent que d'un voile, ne sont pas assurément des tableaux si sévères. On retrouve dans cet épisode jusqu'à la ceinture de Vénus, tant et si justement regrettée. Au surplus, si des critiques chagrins voulaient absolument bannir la magie, les anges des ténèbres pourraient exécuter eux-mêmes ce qu'Armide fait par leurs moyens. On y est autorisé par l'histoire de quelques-uns de nos saints. Et le démon des voluptés a toujours été regardé comme un des plus dangereux et des plus puissants de l'abîme.